Lost in Space, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musique expérimentale, diverses et variées sur le 100 FM, attaque immédiatement avec une soirée un peu, on va dire, power pop. Et pour commencer, ce sera avec les Mega City 4, grand groupe des années, début des années 90, que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert. Toujours bien. Même si les Inrecuptibles à l'époque les détestaient et trouvaient que c'était la deuxième division du rock'n'roll, mais ça restait très bien. Et on attaque avec eux pour les titres. C'est comme d'habitude, retrouvez-nous sur la page Facebook ou sur le site directement de la radio. Allez, c'est parti, go. Stop your grinning and drop your linen. Into your arms, the world into L'autre groupe humain, c'est la population de la région. Les deux sont liés, bien sûr. Le réseau Ben Laden et d'autres organisations du même type s'appuient largement sur le désespoir, la colère et la rancœur des habitants de la région, riches ou pauvres. Le Wall Street Journal, on doit l'en féliciter, a publié quelques articles sur l'état d'esprit des musulmans riches, hommes d'affaires, banquiers, membres de professions libérales, etc., dans tout le Moyen-Orient. Ils expriment très franchement leur doléance. Plus poliment que l'homme de la rue et les pauvres des bidonvilles, mais très clairement. Chacun peut savoir ce qu'ils pensent. D'abord, ils sont vraiment furieux du soutien des États-Unis au régime répressif et antidémocratique dans la région et de l'obstination américaine à y bloquer toute tentative d'ouverture démocratique. La BBC a annoncé le 20 septembre 2001 que le gouvernement algérien voulait participer à la guerre contre le terrorisme. Le commentateur a rappelé que le terrorisme islamique a fait des ravages en Algérie, ce qui est vrai, mais il n'a pas précisé, autre vérité, que quantité d'autres actes de terreur dans ce pays relèvent manifestement du terrorisme d'État. On en a des témoignages tout à fait probants que le régime a bien sûr intérêt à étouffer. Régime d'ailleurs au pouvoir parce qu'il a annulé des élections démocratiques qu'il avait perdues, elles avaient été remportées par des organisations essentiellement islamistes. C'est l'origine des affrontements en cours, et dans toute la région, l'attitude est la même. childhood itself. Why must we pray screaming? Why cannot death be redefined? We shut our eyes and whirl in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The limbs of she, the hands of he, and the promise that she is blessed. Step in line, step in line. j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout. Qui va incarner la France ? Je suis une mère de famille. C'est un secret assez bien gardé, c'est en fait... Le narcissisme, l'individualisme... Par le grand capital. Et il est temps que la France reprenne... Bloquée par un système politique. Aujourd'hui heureux de la libération. Donc exprimer cette colère-là d'en bas. Frère de berger, je l'étais moi-même. Avec la nature et les animaux. Je ne peux pas le tolérer. Pour Catherine. amis ou étudiants, je veux dire inscrits pour la sécurité sociale et les tarifs réduits de nos 30 mètres carrés pour 1420 francs. En prime, le papier peint pourri qui fout le camp. De ces soirées interminables, des spaghettis pour 10, des taches de vin sur le canapé, je passe les sangliers. Tu te rappelles la distribution de prospectus à l'entrée du parking, promo sur les autoradios, de ces gamins qui démarraient des BM sans en avoir les clés, puis d'un signe de la main. Dégagé, qu'est-ce qu'on est con à 20 ans, c'est clair, mais quel plaisir on y prend. Tu te rappelles, toujours à contredire, nous deux contre la terre entière. Ce qui me rassure, on est encore capable d'en faire autant aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, maintenant, maintenant. C'est clair, on a aussi pris de grosses claques, de celles qui foutent en l'air, qui marquent, de celles qui font du mal aux convictions. C'est sûr, on n'a pas été gâtés. Regarde ce qu'ils nous ont laissé, de vieux restes d'idéologie qu'on a toutes vu se planter. D'entrée, on était vaccinés contre l'espoir naïf, l'optimisme creux, les lendemains qui chantent, les jours heureux. On n'a pas lâché l'affaire pour autant, il y a encore plusieurs sujets sur lesquels on est resté intransigeant. On rêvait de danger permanent, de prise de risque perpétuelle. Et quand vient la peur de la routine, des habitudes, au quotidien, la lassitude. J'ai envie de te dire, regarde, on est vivant. J'ai l'impression que ça suffit pour faire de nous des débutants. Il y a tant de choses que nous n'avons pas vues, tant de choses que nous n'avons pas encore vécues. Ensemble ou séparément, ensemble. Aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, maintenant, maintenant. Aujourd'hui, alors pour commencer, les personnages. Une mère et des carnets de santé, des pédiatres pédagogues, des parents qui veulent tous les droits sur leur enfant, d'autres qui ne vaccinent pas, tant pis pour les autres, un chercheur qui s'interroge vraiment, des médecins qui se sentent invincibles et des infirmiers qui se sentent instrumentalisés. Ensuite, le décor. La rumeur des réseaux sociaux, un peu de pu, une épidémie de rougeole, la sclérose en plaques, un peu d'aluminium, des laboratoires prospères, des injonctions contradictoires et mille façons d'être parent. Well, it's gonna be a seven. Morning, the air of you. il était prévu de s'en servir pour fixer les instruments à Big Brother si rien d'autre ne marchait. Maintenant, ce ruban liait dans les deux vaisseaux une tendre étreinte assez solide, espérait-on, pour empêcher secousses et vibrations pendant l'accélération, un dixième de G étant le maximum possible. Floyd se faisait une règle de ne jamais se préoccuper d'événements sur lesquels il n'avait absolument aucun contrôle. Une menace extérieure se manifesterait en son temps et on s'en occuperait à ce moment-là. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander s'ils avaient fait tout ce qui était possible pour la sécurité des vaisseaux. We'll be right back. people die. Some say that that's impossible, but you and I would never look back. And wasn't it incredible? So beautiful and above all, just to see the fuse get lit this time, to light a real bonfire for all time. And what a beautiful day. Impossible in my all-powerful mind. I was drinking in my nightclub. It felt good to be back. When Hepburn said I love you, Flynn said, make mine a double jack. Was then we planned the revolution to make things better for all time. Oh, and Guevara said that's crazy and ordered up a bottle of wine. What a beautiful day. In there on the big screen, every night I've seen the way all things could be. The temples down without a sound. But the generals, they were hiding out. The ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paper bag, but you got the one with all the holes. And what a beautiful day. Si Rosalie n'avait parlé que de la prochaine ouverture de la chasse aux marées, Perrine serait restée sous le coup de ce danger gros de menace pour elle, mais ce qu'elle avait dit de la maladie de Bendit et des traductions de Montbleu apportait une diversion à cette impression. Let's Les interviewés accusent aussi les États-Unis d'avoir entravé le développement économique indépendant en se faisant les promoteurs de régimes répressifs. C'est l'expression qu'ils emploient. Mais les articles du Wall Street Journal et tous ceux qui connaissent un peu la région soulignent que le premier souci de ces musulmans riches, qui sont soit dit en passant pro-américains, c'est le deux poids deux mesures de la politique américaine envers l'Irak et Israël. Il y a là, à leurs yeux, un contraste très vif et ils ont raison. Côté Irak, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ravagent la société civile depuis 10 ans. La célèbre formule de Madeleine Albright, un demi-million d'enfants sont morts, peut-être, et c'est un prix élevé, mais nous sommes prêts à le payer, ne fait pas l'affaire de ceux qui jugent grave, peut-être, la mort de ces enfants. Et en même temps, cette politique renforce Saddam Hussein. Voilà le premier volet. We'll be right back. look straight at the sun. To the center, you make a dead run. You're gonna have to cut off the bolt of my hands. I got pride as big as Dixieland. On the street where the velvet is red, so where can I lay this apple core? I want a drink of the blood that was shed, girl. I can't breathe anymore. Yeah, yeah, I tried. She's waltzing out the door. Second volet. Les mêmes États-Unis sont le plus ferme soutien de l'occupation militaire israélienne en territoire palestinien, qui dure maintenant depuis 35 ans. Elle est d'une extrême brutalité depuis le début. On a fort peu abordé ce sujet aux États-Unis, et surtout pas celui de notre rôle. Cela fait 25 ans que les États-Unis bloquent les initiatives diplomatiques. On a même passé sous silence un fait très simple. Lorsque la seconde intifada a commencé, le 30 septembre 2000, Israël a utilisé dès le lendemain des hélicoptères américains pour attaquer des cibles civiles. Dans les jours qui ont suivi, les forces israéliennes ont tué avec ces appareils des dizaines de personnes dans des appartements. Tous les affrontements, rappelons-le, se déroulaient dans les territoires occupés. Et il n'y avait pas de tir, les Palestiniens jetaient des pierres. Les habitants d'un pays occupé militairement jetaient des pierres à l'armée d'occupation, résistance légitime à l'aune des critères internationaux. Dresser drawer, you tucked me in. myself on merit, like a doctor's round on sight. I try to set myself on fire, the matches go away. Now I'm waiting for next Sunday, week's a hell of a time to kill. Nothing to lose. Le 3 octobre, Clinton a signé le plus gros contrat de vente d'hélicoptères d'assaut à Israël depuis 10 ans. Et les opérations se sont poursuivies pendant 2 mois. Ce contrat n'a même pas été rendu public, il ne l'est d'ailleurs toujours pas à ma connaissance. Mais il n'a pas échappé aux Palestiniens. Ils regardent le ciel, voient les hélicoptères attaqués, et ils savent que ce sont des hélicoptères d'assaut américains fournis par les États-Unis à cette fin. 2 semaines plus tard, les Israéliens ont commencé à les utiliser pour commettre des assassinats. Les États-Unis ont émis quelques réprimandes et envoyé davantage d'hélicoptères. En même temps, ils soutiennent la politique d'implantation de colonies, lesquelles ont occupé des zones importantes dans les territoires et sont conçues pour rendre pratiquement impossible le développement d'un État indépendant viable. Les États-Unis fournissent non seulement les armes, mais l'argent et le soutien diplomatique. Ils sont les seuls à entraver le consensus international unanime pour condamner ces agissements dans le cadre des conventions de Genève. Tout le monde est d'accord pour le faire, sauf les États-Unis. Les populations du Moyen-Orient le savent. Cette attitude a été constante et n'a cessé d'aggraver une occupation militaire extrêmement dure. has fun. She can touch till she's 21. Amazing the cruel hand of fate. Attacks lost against the state. Had to move 3 times this year. Rather be anywhere but here. The champagne highs and the giddy lights. A paradise. House guest appears. Shut up. Et ce n'est pas tout, loin de là. Les États-Unis ont soutenu des régimes tyranniques, autoritaires et bloqué des initiatives démocratiques. Par exemple en Algérie, je l'ai dit, ou en Turquie, ou dans l'ensemble de la péninsule arabique. Tout régime implacable, brutal et répressif reçoit l'appui des États-Unis. Saddam Hussein lui-même en a bénéficié. Noam Chomsky. Gloria, are you standing close to the edge? Look out of the setting sun, the brink of your vision. Eternal youth is a landscape of light. The cracks in my skin can prove, as the years will testify. Say your prayers and light a fire, we're gonna start a war. Your slogans have gone far higher, it's what we waited for. Hey Gloria, this is why we're on the edge. The fight of a life's been drawn in this undying love. Le premier argent que j'ai jamais gagné, c'est, je me rappelle, en allant chercher de la bière pour les types du club démocratique et social dans le bas de l'East Side à New York. Mon oncle Balestero était le patron du club et il avait l'habitude de nous donner une pièce de 5 cents à mon frère Franck et à moi chaque fois que nous allions chercher un seau de bière. À la fin d'une journée chaude, ça nous faisait dans les 30 à 40 cents, ce qui représentait beaucoup plus de fric que n'en avaient la plupart des gosses du quartier. Quand j'y pense, c'est à peu près le seul fric honnête que j'ai jamais gagné de ma vie. À part ça, je n'ai jamais raflé un cent autrement que par des moyens que la plupart des gens qualifieraient de malhonnêtes. Looking forward, me, I'd like to think that life is like a drink, and I'm hoping that. just the start. It's more a change of heart. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot, blowing off the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock, stepping through the door like a troubadour, whining just an hour away, looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. But you and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Roll another, write another song like Jimmy heard the day by the train. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Sipped another rum and coke, told a dirty joke, walking like Groucho, sucking on the number 10, rolling on the floor with a cigarette buns walled in. I miss the crush and I'm home again, stepping through the door with a night star whining just an hour away, stepping to the sky and the star bright, feeling it's a brighter day. Mon oncle Balestero était une huile dans le quartier, ce qui nous donnait à Franck et à moi un certain prestige, même si nous n'étions que de petits morveux. Mon vieux ne pouvait pas le voir. Il nous flanquait une dérouillée maison chaque fois qu'il apprenait que nous glandions dans les parages de l'oncle. Il disait à ma mère que l'oncle Balestero était un sale type, un voleur et un membre de la mafia. Mais il s'arrangeait pour que personne ne l'entende. Tout le monde dans le quartier appelait mon oncle Don Balestero et s'écartait respectueusement quand il passait sur le trottoir. Les principes de mon père avaient beaucoup plus d'importance à ses yeux qu'aux nôtres, les gosses. Quand le vieux fut tué dans l'écroulement d'un immeuble où il travaillait comme maçon, nous n'en étions plus à transbahuter des canettes pour l'oncle Balestero. J'avais 12 ans, Franck en avait 13, nous écoulions de la cam pour son compte et nous nous faisions jusqu'à 15 dollars par semaine. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. What is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. Letter in the mail, it's already ripped to shreds. Seasons and ruin him. Says he's happy, then you're happy too. John got Barrett for the lot. It must have been the micro dots. It never made the news. Gave us some time to think it out. See that the bomber's prime. Chiquillo's dancing time. We could use him as a good cop, bad cop. Losers want it all. Back with the killer again. I wanna be back with the killer. Back with the killer. Back with the killer again. Ordinairement, il fallait que j'attende Franck après l'école, parce qu'il était en retenue presque tous les jours. J'aimais l'école, Franck non. Et bien qu'il ait un an de plus que moi, il était dans la classe au-dessous et il était bouché. Ça a été comme ça toute la vie. Je n'ai jamais arrêté d'apprendre et je n'arrêterai que si on me fait la peau. Franck, lui, quand il en a su assez pour pouvoir lire le journal, il s'est dit que ça suffisait. Je ne l'ai jamais vu lire autre chose.